Poursuivons les lectures de ces paraboles de l'évangile de saint Matthieu qui sont assez axées sur le domaine viticole. Sa vigne, le premier qui refuse, puis qui finit par y aller, le premier qui acquiesce, qui veut y aller, qui finalement n'ira pas. Et le Seigneur qui invite ses disciples à reconnaître que parfois les prostituées et les publicains parviendront avant eux au royaume des cieux. Aujourd'hui, nous avons comme en quelque sorte le sens de cette image de la vigne, et nous l'avons chanté dans le psaume tantôt, « La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. » La vigne que tu as prise à l'Égypte, de quoi parlons-nous ? Évidemment, il s'agit du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui a été sauvé de l'Égypte, replanté dans une terre nouvelle où ruisselle le lait et le miel. Et cette relation de Dieu à son peuple, eh bien, Isaïe va encore la décrire comme la relation d'un ami avec une vigne. Et cet homme a une vigne sur un coteau plantureux, c'est ce que Isaïe nous a dit en première lecture. Il retourne la terre, il retire les pierres, il met des plants de qualité et il bâtit une tour de garde. Et il creuse un pressoir dans l'attente de la vendange. Voilà ce qu'attend cet ami maître de cette vigne, il attend du beau raisin, du beau fruit. Et nous voyons dans cette description de cet homme l'attitude de Dieu avec son peuple, qui en prend soin, qui lui donne une bonne terre, qui en retire tout ce qui pourrait y nuire, qui y met des plants de qualité, c'est le peuple d'Israël, ce plant de qualité. Pourtant, c'est du mauvais fruit, c'est du mauvais raisin, c'est un mauvais jus que va donner cette vigne. Lorsque Jésus va donner cette parabole que nous venons d'entendre dans l'Évangile, évidemment, il fait écho à cette parabole, cette prémisse de parabole de l'Évangile, du livre d'Isaïe. Et tous ses auditeurs, les prêtres et les pharisiens qui entendent la parabole de Jésus, ils comprennent évidemment que Jésus, en parlant de vigne, parle du peuple d'Israël. Et à nouveau, Jésus va pousser la description de cette vigne. Mais il va en décrire autrement. Il va la décrire autrement, cette fécondité de cette vigne. Oui, elle va porter du fruit. La vigne va être féconde, celle-là. Mais le maître n'en verra jamais le fruit. Et c'est toutes ces étapes du maître qui envoie un serviteur, puis deux, puis trois, puis il envoie encore plus, jusqu'à envoyer son propre fils pour récolter le fruit de la vigne. Il y a un fruit dans cette vigne, au moment de la période de la vendange. Elle porte du fruit, mais le maître n'en voit pas la couleur. Alors déception de Jésus. Déception de Jésus qui utilise cette parabole probablement pour montrer l'échec apparent de sa mission d'annonce de l'évangile du royaume de Dieu à ses prêtres, à ses pharisiens, qui ne l'accueillent pas. Et pourtant, que va-t-il se passer ? Jésus va s'appuyer sur un autre adage, une autre parole de l'Écriture. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Oui, la pierre a été rejetée. L'annonce de l'Évangile n'est pas accueillie. Oui, la pierre, finalement, elle est mal faite. On ne sait pas quoi en faire. Et pourtant, c'est parce qu'elle est mal faite qu'elle va devenir indispensable au bâtisseur. C'est parce qu'elle est rejetée, c'est parce que finalement ce peuple n'en veut pas, qu'elle va devenir précieuse et qu'elle va être indispensable à tous ceux qui sont rejetés. C'est parce que cette pierre, finalement, a une forme bizarre qu'elle va permettre à l'édifice tout entier de tenir. C'est la pierre d'angle. Sans une pierre d'angle, tout s'effondre. Alors celui qui a été rejeté va devenir indispensable. Voilà ce que Jésus est en train de laisser comprendre. Et voilà pourquoi Jésus peut conclure la parabole que nous venons d'entendre. Eh bien, le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à un peuple qui, lui, fera produire son fruit. Puisque vous-même n'avez pas porté de fruit, vous n'avez pas voulu le rendre, il sera confié à un autre. Frères et sœurs, voilà une parole qui est bien exigeante. Évidemment, Jésus parle ici aux pharisiens, aux prêtres, de son temps. Et nous avons vu toutes les conséquences de ce refus de l'annonce de l'évangile au peuple élu. Finalement, c'est tous les païens, c'est nous tous qui avons bénéficié de l'annonce de l'évangile. Mais nous devons encore donner son fruit à ce royaume qui nous est annoncé. Nous aussi, nous devons entendre cet appel de Jésus à faire porter du fruit au royaume de Dieu. Comment portons-nous du fruit ? Voilà la question que nous pose cet évangile ce soir. Comment portons-nous du fruit dans nos vies ? Alors, il y a différentes manières de porter du fruit. Nous sommes ce que nous sommes. Nous avons des talents, des compétences. Nous savons user avec intelligence de certaines des facultés que nous avons reçues, qui nous sont en fait données de Dieu, ou que nous avons éduquées par le travail intellectuel ou manuel que nous avons vécu, l'apprentissage ou l'étude que nous faisons. Alors nous avons une richesse en nous. Et nous sommes donc appelés à la faire fructifier, cette richesse, pour le royaume des cieux. Pour le royaume des cieux, j'entends bien. Je prends un exemple concret. Si on a démarré en retard tout à l'heure, c'est parce qu'on manque de bénévoles. Ben c'est, voilà, on n'avait personne pour monter l'écran et pour mettre en route la petite machine qui projette les diapos à l'écran. Bon, je fais un appel à bénévoles. On est tous capables de le faire, hein. Même moi. Je ne suis pas une star avec ces bêtes-là, mais même moi, je suis capable d'y arriver. Ben, faire porter du fruit pour le royaume des cieux, ce n'est pas seulement faire de la projection à la maison pour m'éclater avec mes amis, c'est aussi peut-être faire de la projection à la paroisse pour le royaume des cieux, parce que là, ça sert le royaume des cieux. C'est valable pour mon argent. Est-ce que j'ai de l'argent ? J'en ai peut-être pas beaucoup, mais quelle part j'offre pour le royaume des cieux ? C'est ça, être fécond. Puis je voudrais m'arrêter sur un point particulier ce soir. Peut-être l'origine de notre fécondité, la source même de toute notre fécondité pour le royaume des cieux. Notre vocation. Notre vocation. Je voudrais inviter les jeunes filles de l'Assemblée qui sont célibataires à lever la main. N'ayez pas peur. Maintenant, je voudrais inviter celles qui se posent la question de la vie consacrée ou de la vie religieuse ou de la vie monastique à baisser la main, mais les autres, vous pouvez la garder levée. Il y en a encore, hein ? Je suis sûr qu'il y en a qui n'osent pas lever la main, là. Maintenant, je pose la question aux garçons. Les jeunes hommes qui sont célibataires, levez la main. Oh, les hommes sont courageux ce soir. Bon, et ceux qui se posent la question de la vie religieuse, monastique, le sacerdoce, baissez la main. Normalement, il en reste quand même pas mal, là. Hein. Ils veulent tous devenir prêtres, tiens, ce soir. C'est beau, ça. Bon, j'entends beaucoup de demoiselles qui disent « Les gars, ils viennent pas nous voir. On n'est pas courtisés. Il n'y a personne qui vient nous séduire. » Et c'est vrai, hein. Puis elles ont raison. C'est pas à elles à venir vous voir. Les gars, c'est à vous à aller les voir. Si vous êtes appelé au mariage, si vous sentez que c'est votre appel et que ce n'est pas la vie consacrée, la vie monastique, qui sont un autre chemin qui est très bon, mais si vous sentez que vous n'êtes pas appelé à ça, que vous êtes appelé au mariage, vous avez entre 20 et 25 ans, ben n'attendez pas d'en avoir 30 pour vous déclarer. Faites-le maintenant. Ben non, mais c'est... Et n'attendez pas un coup de l'Esprit Saint qui va vous dire c'est elle dans un élan mystique d'adoration. Si vous avez un attrait pour une demoiselle, ça suffit. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Présentez-vous, allez la voir. Bougez-vous. En fait, c'est un peu provocateur ce que je dis là, mais c'est une manière, et c'est la première manière de porter du fruit. C'est celle de notre vocation qui va déterminer toutes les autres possibilités de porter du fruit pour le royaume des cieux. Et pour la plupart de nous, 80%, 90% d'entre nous, c'est le mariage. Et c'est bon, autant que la vie monastique ou la vie sacerdotale. Mais il faut encore prendre les moyens d'y avancer. Alors je vais vous donner un moyen concret. Le lundi de l'action de grâce, on va vivre une excursion, une randonnée de l'action de grâce comme on le fait traditionnellement. Ben, c'est une belle manière de passer une journée gratuite en plein air. On sera au Cap Tourmente cette année. On se donne rendez-vous ici à 8h30 et on va partir toute la journée. On revient ici à 16h30. C'est une belle manière de faire connaissance, de prendre du temps. C'est pas en restant chez nous, en rentrant vite fait chez nous, en étant planté sur des sites de rencontres ou dans nos jeux vidéo qu'on va rencontrer l'âme sœur. Ça marche pas. C'est en prenant des moyens concrets, en randonnant, en prenant du temps, en marchant avec, en apprenant à connaître. Et c'est là que les choses se passent. Alors je vous invite tous lundi, la semaine prochaine, le lundi de l'Action de Grâce, ici à 8h30. On va randonner du côté du Cap Tourmente. On aura un temps de louange, on aura aussi la messe pendant la randonnée. Et puis évidemment, c'est une randonnée, donc on va marcher. Et on va marcher ensemble. Et tout ça pour la gloire de Dieu. Évidemment, c'est bon pour nous, mais c'est aussi pour la gloire de Dieu. Et c'est peut-être une manière de rencontrer une belle jeune fille, il y en a plein ici, et trouver la manière que le Seigneur veut nous donner pour porter du fruit. Amen. Levons-nous.